Quatrième et dernier temps de notre semaine de la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, une simple question. Peut-on faire une histoire comparée de l'épuration en Europe ? Après avoir évoqué lundi l'épuration en URSS, puis mardi dressé le portrait d'un ultra collaborateur de l'Isère, Jean Barbier, puis hier nous être penchés sur les amnisties de l'après-guerre, nous allons ce matin nous demander comment faire une histoire européenne des épurations. Et pour ce faire, avec Anaïs Quien, nous avons réuni trois membres du groupe de recherche pour une histoire connectée et transnationale des épurations au sortir de la Seconde Guerre en Europe. Marc Bergère d'abord, il est maître de conférence à l'université de Rennes, il est coordonnateur de ce projet donc, qui s'appuie sur le centre interdisciplinaire de recherche sur l'Allemagne, et il est également spécialiste en particulier de l'exil des collaborateurs. Il travaille sur ce sujet, exil des collaborateurs au Canada et en Argentine. Emmanuel Droit, il est maître de conférence à l'université de Rennes 2, directeur adjoint du centre Marc Bloch à Berlin. Vous êtes en direct des studios de Deutschland Radio à Berlin et vous travaillez ces temps-ci sur les polices politiques en Europe de l'Est après la Seconde Guerre mondiale. Et nous serons également avec Jonas Campion, il est chercheur à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique. Il sera en direct avec nous des studios de la RTBF à Namur, que nous remercions pour l'avoir accueilli. Et il est auteur des Gendarmes belges et néerlandais à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, publié chez André Versailles en 2011. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour. Et à la question simple, peut-on faire une histoire européenne de l'épuration ? On ne sait pas si. Tout de suite. Non, vous n'allez pas répondre tout de suite, mais néanmoins, on sait qu'on peut tenir au moins une heure sur ce sujet-là parce que c'est beaucoup plus compliqué que l'on croit. Marc Bergère, bonjour. Bonjour. Bonjour Emmanuel Droit. Bonjour. Et bonjour à vous, Jonas Campion. Bonjour. Alors, Marc Bergère, vous êtes coordonnateur de ce projet. C'est vous qui nous avez alerté il y a quelques mois sur la tenue bientôt, ce sera en juin, d'une grande réunion, un grand colloque autour de ces questions justement d'épuration en Europe. D'abord, il faut monter un projet. C'est un projet lourd, j'imagine. Il faut faire travailler ensemble des chercheurs qui sont un peu partout sur le territoire européen. Et puis, il faut se demander, c'est peut-être ça la question fondamentale, s'il y a matière à travailler ensemble sur un thème comme celui de l'épuration, Marc Bergère. Oui, tout à fait. Donc, notre postulat de départ a été de constater qu'il y avait donc un moment 1945, c'est-à-dire que de fait, l'épuration donc, a été une expérience, sinon commune, du moins partagée par toute large partie donc, des pays et des sociétés donc, européennes. Et on est parti d'un second constat qui était effectivement le fait que s'il existe quelques synthèses sur le sujet, elles sont d'abord très peu nombreuses, on peut penser aux travaux de Tony Dewitt, etc., quelques articles de synthèse, moi-même je m'y suis un petit peu essayé, l'historiographie demeurait quand même très largement lacunaire, et surtout elle demeurait très largement lacunaire sur ce qui était notre objectif, c'est-à-dire de faire dialoguer entre eux des travaux effectivement donc, nationaux, enfermés dans des historiographies nationales qui justement donc, parlaient peu entre eux. Donc d'où le parti pris effectivement de ces mots qui peuvent sembler un peu techniques, sur lesquels on reviendra peut-être, j'imagine, de faire, et même plus qu'une histoire comparée que vous avez évoquée tout à l'heure dans vos propos liminaires, mais véritablement donc d'écrire une nouvelle histoire européenne d'épuration connectée et transnationale. Anaïs. Et puis la fin des années 80 et la chute du mur, des archives sont apparues et les chercheurs commencent à les maîtriser véritablement. Tout à fait, je pense qu'il y a à la fois deux horizons de temporalité à considérer. Il y a un moment, 1945, à interroger dans l'événement, mais nous bénéficions aussi d'un moment historiographique particulier. On est dans une séquence très particulière donc, avec l'ouverture d'archives, avec aussi, si je puis dire, donc une seconde histoire de l'épuration qui devient possible. On aura peut-être l'occasion d'en reparler aussi, car là, il y a un très bel objet d'histoire justement transnationale, à travers notamment la multiplication à la comté des années 80-90 de commissions d'enquête dans de très nombreux pays, par exemple, sur justement les conditions d'accueil. Accueil, par exemple, d'un certain nombre de criminels de guerre ou collaborateurs. Donc là, on a véritablement donc fait aussi un effet d'archive tout à fait important que vous signalez à juste titre. Oui, d'ailleurs, cette histoire, c'est une histoire sur le temps long. Jonas Campion, vous êtes avec nous depuis les studios de la RTBF à Namur. C'est une histoire sur le temps long que vous avez pratiqué, vous aussi, pour justement ces gendarmes belges et néerlandais à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, tout à fait. Et également les gendarmes français. Histoire sur le temps long, notamment si on prend le cas belge, puisque la Belgique a été occupée en 1940 jusqu'en 1944, nécessitant une répression de la collaboration en 1944, mais avait également été occupée en 1914. Mmh. Et en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait aussi eu un phénomène de répression de la collaboration. Donc le temps long de la répression de la collaboration, le moment 1945, il faut aussi l'envisager en amont, tout comme il faudra l'envisager en aval, sur la sortie d'épuration, mmh. La multiplication des processus de désépuration, éventuellement d'amnistie, des débats, etc. Donc on est véritablement dans une perspective qui doit couvrir l'ensemble du XXe siècle. Emmanuel Droit, vous n'êtes pas spécialiste vous-même de cette question de l'épuration, mais vous avez rejoint ce groupe de travail et ce groupe de recherche autour des épurations en Europe, parce que de façon connexe, mais néanmoins importante, vous travaillez sur les polices politiques en Europe de l'Est après la Seconde Guerre mondiale, et que ça a quelque chose à voir tout de même avec cette question européenne pour ce qui est de l'Europe de l'Est, qui est votre spécialité. Ça a quelque chose à voir avec cette question de l'épuration. Oui, oui, c'est une question connexe. Marc Bergère avait raison de rappeler, de poser l'hypothèse d'un moment 1945, dans la mesure où toutes les sociétés, ou pratiquement la plupart des sociétés en Europe occidentale, mais aussi centrale et orientale, on partage une expérience, elles sont en quelque sorte une communauté à la fois de destin et de dessein, parce que la soif partagée de vengeance se retrouve dans un certain nombre de pays. On est en plus dans des contextes de transition politique un peu partout sur le territoire européen. Et moi, je suis rentré par ces questions-là, en aval, puisque par le biais de l'étude des polices politiques, je me suis intéressé à la question des épurations des partis politiques communistes entre 1947 et 1953. Et donc, ce moment 45, il faut l'emboîter. Il y a tout un emboîtement de temporalité. Il faut le réinscrire en amont. Jonas Campion parlait de remonter jusqu'à 1914 pour la Belgique. Pour l'Europe centrale et orientale, ce qui est intéressant, c'est de connecter le moment 1945 à la période du stalinisme des années 30 pour l'Union soviétique. Et puis, il y a, j'allais dire, une épuration en cache une autre, puisque dans la foulée du moment 45, on a des pratiques et des processus d'épuration qui concernent de manière synchrone la plupart des pays d'Europe centrale et orientale passés sous la coupe de Moscou. Et ce moment s'achève en gros avec la mort de Staline en 1953. On y reviendra tout à l'heure avec vous, Anaïs Kien. Ouais, excusez-moi, je voulais continuer avec Emmanuel Droit, peut-être pour lui faire expliciter cette question de cette connexion du moment 45 avec les années 30 en Union soviétique, puisqu'à ce moment-là, on a un modèle de répression, d'épuration de l'ennemi intérieur, Emmanuel Droit. Oui, oui, on a un modèle de répression, et on a surtout, alors ce qui est intéressant quand on pose ce défi méthodologique de l'histoire connectée transnationale, c'est évidemment de repérer les convergences, les points communs en termes de pratiques d'épuration. Je pense qu'on y reviendra avec Marc Bergère et Jonas Campion, les épurations sauvages, les épurations ethniques, politiques, l'instauration de tribunaux populaires. Mais dans le cas de l'Europe centrale et orientale, c'est de prendre les trajectoires des acteurs qui étaient impliqués dans ces processus d'épuration, et notamment par le biais de l'étude des polices politiques, on arrive à retracer les trajectoires des acteurs soviétiques travaillant pour le compte du NKVD, qui ont une expérience d'épuration en Ukraine ou dans le Caucase entre 1930 et 1943, et qui vont réinvestir cette expérience au fur et à mesure de l'avancée de l'armée rouge en Pologne à partir de 1944, puis à l'ensemble, toutes ces pratiques-là vont être étendues à l'ensemble des pays d'Europe de l'Est entre 1945 et 1947, et à l'image de ces fonctionnaires tsaristes du 19e siècle qui circulaient dans l'Empire. Il ne faut jamais oublier qu'on est dans des logiques nationales d'épuration, et ça a donné d'ailleurs des compartimentages historiographiques nationaux, mais après 1945, on est aussi dans une logique, j'allais dire, de renaissance impériale avec l'extension du glacis protecteur soviétique. Et donc, on a des agents de la police politique du NKVD qui circulent entre 1930 et 1955, et qui font finalement un tour d'Europe, réinvestissant à chaque fois leurs pratiques et leurs expériences. Alors évidemment, il y a un problème méthodologique, il faut faire très attention, parce que quand on s'attache à étudier ça de manière transnationale et connectée, c'est pas parce que les acteurs circulent qu'ils vont agir de la même manière. Le contexte national est bien sûr à chaque fois différent. Et donc, ils n'ont pas les mêmes moyens d'intervention, d'action. Mais en gros, la philosophie est à peu près la même. Marc Bergère. Oui, c'est tout à fait. C'est d'ailleurs, je pense, une des. Ce que dit Emmanuel Droit est tout à fait juste. Et c'est d'ailleurs, je pense, une des plus-values de l'équipe qu'on a réussi à réunir et ou qui gravite autour de nous. Et dont d'ailleurs, certains membres sont déjà participés à cette semaine, hier, justement. Marie-Bénédicte Vincent, hier. Mais aussi, finalement, Vanessa Voisin, qui fait partie donc, du comité scientifique du colloque que nous organisons le 11 et 12 juin prochain à Rennes. Parce que, donc, de fait, on peut penser que cette capacité à restituer l'épuration de 45, à essayer de la saisir et de l'appréhender dans un train quasi continu d'épuration. Des années 30 aux années 50 dans les espaces justement notamment baltes et soviétiques, ça c'est une particularité qui jusqu'à maintenant avait été très peu étudiée et pour laquelle effectivement des gens comme Vanessa Voisin, Juliette Denis notamment, Emilia Koustouva, des gens Olaf Mertelsmann, etc. avec qui on travaille ou qui vont travailler avec nous vont apporter je pense du neuf par rapport à cela. Alors qu'est-ce que pour bien comprendre, parce que tout compte fait, moi j'ai lu il y a très longtemps des travaux sur l'épuration en France, par exemple, qui sont des travaux anciens, qui datent des années 70, 80, etc. Qu'est-ce que cette clôture nationale de cet objet épuration a fait, a produit, et qu'est-ce qu'il faut faire sauter comme verrou en passant à une dimension transnationale, selon vous, Marc Bergère? C'est-à-dire, on a bien compris par Emmanuel Droit, et tout à l'heure Jonas Campion commençait à le dire aussi, qu'il y avait des logiques nationales, mais en même temps, qu'en l'étudiant de façon transnationale, on allait changer quelque chose. Qu'est-ce que ça a fermé d'avoir travaillé sur des dimensions purement nationales jusqu'à maintenant? Alors, je ne pense pas que c'est fermé ou appauvri. Les études nationales se justifiaient, surtout elles se justifiaient, je pense, un temps, dans un premier temps des historiographies, justement. Il fallait d'abord établir les historiographies d'épuration au niveau national. Je pense que le temps est venu maintenant de les faire, justement, comme je disais tout à l'heure, dialoguer pour. Et pas simplement par mode, parce que le transnational, ça se fait aujourd'hui. Non, d'autant que j'en fais un usage, moi, plutôt personnellement, plutôt empirique, justement. Et quand c'est justifié, c'est-à-dire qu'il faut effectivement que l'approche connectée qui, justement, comme le rappelait Emmanuel Droit tout à l'heure et Jonas aussi précédemment, postule des circulations, des transferts, justement des filiations, qu'elles soient diachroniques ou synchroniques. Il faut effectivement que ça apporte une plus-value à l'objet. De même qu'effectivement, ça nous permet de toucher aussi avec l'approche transnationale, de postuler aussi qu'il a pu exister donc de l'entre-deux, des espaces et des acteurs donc, qui appartiennent à des milieux que je qualifierais d'hybrides ou de métissés, et qui effectivement donc, ne peuvent être saisis là, pour cette fois-ci, et c'est pas un effet de mode, que dans une logique transnationale. À quoi vous pensez On peut penser à la question des populations déplacées, on peut penser à la question des peuples punis, on peut penser à la question aussi, ils sont quand même des centaines, des dizaines de milliers au moins. Ça reste toujours difficile à évaluer, donc je me reprends quand même pour rester raisonnable, mais à la question justement de tous ces collaborateurs en exil, ou sur la route de l'exil en 1945. Or, eux, ils traversent les frontières. Eux, ils reconstituent des microcosmes nationaux dans des pays tiers. Donc là, on est dans de l'entre-deux. Vous voyez, c'est cela la plus-value. Anaïs Kien. On comprend bien, Marc Bergère, qu'on a quand même plusieurs groupes de pays qu'on peut identifier. On a d'abord une Europe de l'Ouest, on a une présence américaine, nettement moins appuyée à l'Est, et on a également une différence majeure, ce sont les pays qui sombrent dans la guerre civile au moment de la libération, et ceux pour lesquels ce n'est pas le cas. Je pense notamment à la Yougoslavie, qui est vouée à une guerre civile, qui, de toute façon, contextualise l'épuration de manière très différente de celle de la France. Alors, c'est tout à fait exact, hein, et de ce point de vue-là, d'ailleurs, on a posé les attendus méthodologiques très forts de ce point de vue-là, sur le fait que, attention, la comparaison n'est pas toujours raison, constater des convergences ne suffit pas forcément à faire sens. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Voilà. Pour les gouvernements, on imagine. Et donc, non, tout à fait. Alors, les conditions ne sont pas les mêmes. Les objectifs, notamment par rapport à la mise en place de modalités d'épuration légales, restent quand même souvent à peu près les mêmes en termes d'enjeux de légitimation et de régulation, notamment. Mais il est vrai, et vous le soulignez à juste titre, qu'un clivage marqué, et dont on doit bien sûr tenir compte, existe entre l'Est et l'Ouest. Ce qui aussi donc, pouvait permettre à notre pari éventuellement d'exister ou d'être tenté aussi, c'est ce que vous avez dit, c'est que désormais, il est possible aussi de faire dialoguer ces travaux. Longtemps, on a très bien maîtrisé les travaux sur l'épuration à l'Ouest, et on connaissait pas grand-chose, mais il faut dire qu'il n'y avait pas forcément énormément de travaux. Vanessa Voisin est venue nous le dire ici. Elle est vraiment pionnière à sa façon sur cette épuration de guerre, comme elle l'appelle, qui d'ailleurs ne s'appelle pas épuration, le terme n'existe pas. Justement, c'est tout un paradoxe. Donc, effectivement, les pays en guerre civile, que ce soit l'Italie, que ce soit que ce soit la Grèce, sur des bases différentes d'ailleurs, ou que ce soit effectivement donc la... la Yougoslavie doivent être considérées de manière très particulière. Alors, Jonas Campion, rentrons dans un exemple. Vous avez travaillé sur les gendarmeries belges et néerlandaises, également françaises, mais surtout belges et néerlandaises, pour votre thèse qui a été publiée chez André Versailles en 2011. Autour justement de cette question, que se passe-t-il pendant, évidemment, la Seconde Guerre mondiale, mais également à la sortie de la Seconde Guerre mondiale? Si on prend cet exemple de la gendarmerie belge sur laquelle vous avez travaillé, c'est une épuration quoi, administrative qui touche ce corps, puisque c'est un corps militaire? En fait, c'est une épuration plurielle. Il y a d'une part une répression pénale de la collaboration, donc les gendarmes sont soumis au code pénal comme sont soumis l'ensemble de la population belge qui ont outrepassé les articles du code pénal qui répriment la collaboration, les atteintes à la sûreté extérieure de l'État, pour reprendre le vocabulaire juridique. Mmh. À côté de cette répression pénale de la collaboration, il y a une épuration interne, une épuration administrative, mmh, où là, ce sont des commissions de gendarmes, composées de gendarmes et de militaires de l'armée et d'officiers de l'armée, parce qu'en effet, la gendarmerie belge et un corps militaire, qui vont prendre et évaluer le comportement, cette fois-ci professionnel, des militaires durant l'occupation, et qui vont prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour le punir. Et enfin, à côté de ces deux phénomènes d'épuration, on peut encore rajouter des mesures qui ne portent pas nécessairement le nom d'épuration, mais qui vont toucher directement les gendarmes suite à leur comportement, mmh, durant la guerre. Par exemple, mutation géographique, par exemple, les carrières qui sont mises un peu sur des tableaux d'avancement, toute une sorte de mesures qui vont toucher en fait les gendarmes dans leur développement professionnel. Et enfin, des mesures populaires, qui vont d'arrestations arbitraires en septembre 1944 à des tags dénonçant le comportement des gendarmes, mmh, sur les casernes ou ce type de violence. Qu'est-ce que change le fait que, comme vous l'avez dit tout à l'heure lors de votre première intervention, Jonas Campion, que change le fait d'avoir déjà eu, dans un pays comme la Belgique, une épuration pendant la Première Guerre mondiale, ou plutôt à la sortie de la Première Guerre mondiale? Qu'est-ce que ça change? Alors, par rapport aux pays qui n'ont pas eu Ce que ça change, c'est que dès l'entre-deux-guerres, les autorités belges vont préparer l'éventualité d'une nouvelle occupation, d'une nouvelle guerre mondiale. Ils vont prendre toute une série de mesures destinées, d'une part, à définir le comportement des fonctionnaires et des autorités devant rester en territoire occupé en cas de nouvelle occupation. Ils vont aussi prendre toute une série de mesures législatives destinées à assurer la défense des intérêts nationaux. Donc, on est dans une logique où on envisage déjà la potentialité, mmh, la possibilité d'un nouveau conflit et d'un besoin d'exercer une nouvelle fois, mmh, une relégitimation, une reconstruction de l'État. Anaïs. À côté de ça, ce que ça va changer essentiellement, c'est que l'expérience de 1914-1918, où la majorité des procès pénaux avaient été assuré par la justice civile, donc des tribunaux correctionnels et des cours d'assises, ça avait été assez mal perçu en 1918. On a jugé que la justice était très lente, on a jugé que la justice ne punissait pas assez, les procès d'assises se sont souvent transformés en grands spectacles, mais avec peu de résultats. Et donc, en réaction à cette expérience de 1918, en 1945, ce sont des choix contraires qui ont été effectués. Donc là, on est vraiment dans une réaction face à ce qui a été perçu, mmh, comme un sentiment d'échec. Mmh. Et c'est pourquoi, en 1944, en Belgique, ce sont des tribunaux militaires, certes, dont la composition va être modifiée, mais ce sont des tribunaux, mmh, militaires, donc notamment sans jury populaire, mmh, qui vont exercer la répression pénale de la collaboration. Anaïs Kia. Oui, on entend bien, Marc Berger, que le champ judiciaire est un des champs majeurs de ce programme que vous nous proposez sur l'histoire des épurations. Finalement, lorsqu'on voit l'organisation des grands procès de Nuremberg, est-ce qu'on arrive à mesurer l'impact de ces grands procès sur les histoires nationales de l'épuration? Oui, on peut arriver à le mesurer, même si de fait, il faut bien constater qu'on n'en parle pas forcément beaucoup dans les différents pays. D'ailleurs, quand on consulte les archives de l'époque, dans les médias, j'ai par curiosité, j'ai regardé un petit peu Alina, tout le monde déplore le peu d'intérêt pour, oui, ces grands procès. Mais ça peut s'expliquer, c'est-à-dire que c'est un petit peu l'élément qu'on signalait tout à l'heure au début de notre entretien, à savoir, chacun des pays est engagé dans sa propre épuration. De fait, on s'intéresse d'abord aux procès éventuellement nationaux et a fortiori aussi beaucoup aux procès donc aux procès locaux. On s'intéresse assez peu à la punition des dignitaires nazis. On s'intéresse à ses collaborateurs avant Exactement. De s'intéresser aux nazis eux-mêmes. Exactement, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait établi. Maintenant, je vais juste apporter un complément plutôt à ce que vous indiquiez. On ne s'intéresse pas seulement et exclusivement au volet pénal ou au volet judiciaire. Et l'exemple, d'ailleurs, belge, de ce point de vue-là, serait tout à fait intéressant par rapport, par exemple, à la... Bon, il se trouve qu'il y a quelques années, donc, j'ai contribué à un ouvrage sur l'épuration économique, par exemple. Là, ce serait un bon exemple qui permet de constater combien la mémoire de la Grande Guerre justement pèse et entraîne des lectures différentes, y compris en termes de demande d'épuration. Il se trouve que pour des raisons qui tiennent à l'histoire de la Belgique justement, à l'histoire de la Belgique donc de la Grande Guerre, post-Grande Guerre, aux destructions aussi occasionnées par les Allemands dans ce pays durant la Grande Guerre et à sa sortie. À l'histoire des mouvements de collaborateurs. Voilà, d'ailleurs. Donc la collaboration économique, si je puis dire, durant la Seconde Guerre mondiale est plutôt donc bien tolérée. Donc il n'y a pas une très forte demande d'épuration économique au sortir de la guerre. Enfin, je pourrais en dire plus par rapport à cela, contrairement par exemple à ce qui se passe en France ou à ce qui se passe aux Pays-Bas, par exemple. Donc on voit bien que, voilà, c'est tout ce que vous disiez tout à l'heure, il faut tenir compte de ces différents contextes. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Dans la fabrique de l'histoire d'aujourd'hui, nous terminons notre série consacrée à l'histoire de l'épuration après la Seconde Guerre mondiale en Europe avec un débat avec des participants d'un groupe de recherche pour une histoire connectée et transnationale des épurations au sortir de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Marc Berger, Jonas Campion et Emmanuel Droit. Emmanuel Droit, vous n'êtes pas intervenu, ça fait un petit moment que vous n'êtes pas intervenu. Pouvez-vous nous donner, comme l'a fait Jonas Campion, quelques exemples qui permettent à nos auditeurs de se repérer dans cette immense histoire de l'après-Seconde Guerre mondiale et de l'épuration en particulier? Vous nous disiez, voilà, il y a des personnes qui, ayant été formées en Union soviétique avant la Seconde Guerre mondiale, pendant les grandes purges staliniennes des années 30, eh bien, vont, après la Seconde Guerre mondiale, naviguer de pays en pays communiste, devenus passés sous la coupe des soviétiques, pour pratiquer justement une police politique et pour repérer les cibles, ceux qui vont passer justement sous les fourches caudines de cette épuration. Ces personnes qui sont visées, c'est qui? Qui visent-ils, les épurateurs de l'après-Seconde Guerre mondiale, dans les pays qui, comme la Pologne ou comme la Tchécoslovaquie ou comme l'Allemagne de l'Est, sont devenus des pays ou sont en train de devenir des pays communistes? Oui, alors je reprendrai volontiers l'expression de Jonas Campion qui parlait d'épuration plurielle, parce que théoriquement on a deux catégories d'acteurs à juger ou à éliminer, les collaborateurs et les criminels de guerre nazis ou les anciens occupants. Et là, si on compare l'Europe centrale et orientale avec l'Europe de l'Ouest, on a aussi cette priorité axée sur les collaborateurs, avec une forme de coproduction de l'épuration, c'est-à-dire qu'on a les anciens prisonniers politiques, les anciens résistants, partisans, en partie communistes, qui, avec l'appui des soviétiques, les premiers cadres du NKGB, par exemple, arrivent en Bulgarie en septembre 1945, donc un an après la phase de l'épuration sauvage. Ces cadres-là viennent appuyer la milice populaire, et généralement dans ces premiers mois de sortie de guerre. Alors les estimations fluctuent. Pour la Bulgarie, on a longtemps parlé de 30 à 50 000 éléments fascistes qui auraient été exécutés sans jugement en septembre-octobre 1944. Avec l'ouverture des archives du comité central du Parti communiste bulgare, on est revenu à des chiffres un peu plus réalistes. On parle maintenant de 5 000 personnes exécutées. Alors des policiers, des maires, des agents de l'ancienne police politique du roi de Bulgarie. Et puis on a aussi, à l'échelle de l'Europe centrale orientale, des camps spéciaux, des camps d'internement qui sont en partie gérés par les soviétiques. C'est notamment le cas en RDA, par exemple, où vous avez ce qu'on appelle des camps spéciaux qui reprennent spatialement des lieux comme Buchenwald ou Sachsenhausen, donc qui étaient des camps de concentration de l'époque nationale socialiste, et qui vont permettre d'interner environ à l'échelle de la RDA, entre 1945 et 1950, 150 000 Allemands. Et à côté de la justice est-allemande qui se mettra en place à partir de 1949, on a des tribunaux militaires soviétiques qui condamnent, la plupart du temps, ce sont des petits fonctionnaires nazis, mais ils sont condamnés à de lourdes peines de prison, 15 à 20 ans, parfois déportés au goulag. Et puis, à côté de cette épuration, on va dire, administrative ou idéologique, on a aussi, vous l'avez cité avec le cas, par exemple, de la Tchécoslovaquie, qui est très intéressant, c'est le cas de l'épuration ethnique, qu'on appelle Odsun en tchèque, c'est-à-dire transfert ou expulsion, où on a une épuration sauvage, une sorte de loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, puisque Beneš, le président qui était en exil, donne le coup d'envoi par une série de discours en mai 1945 aux expulsions sauvages. Et rétroactivement, il y a une loi d'amnistie de l'Assemblée nationale provisoire du 8 mai 1946 qui amnistie les coupables de ces exactions. Toute exaction commise entre le 30 septembre 1938 et le 28 octobre 1945, les dates sont intéressantes, sont amnistiées et ne sont pas passibles du droit pénal. Et on a, en Tchécoslovaquie, c'est intéressant parce qu'on ne peut pas comprendre, c'est pour ça que le moment épuratoire est intéressant, on ne peut pas comprendre le passage au communisme, au régime communiste, et ce fameux coup de Prague de 1948 qui tombe pas du ciel parce qu'il y a eu un élan de nationalisme aussi bien chez les démocrates que chez les communistes. Et quelqu'un comme Clément Gottwald, le leader du parti communiste tchèque, était fier de clamer qu'il avait nettoyé le pays de la cinquième colonne allemande. Et les Tchécoslovaques ne voyaient finalement pas trop la différence entre les démocrates, on va dire le camp démocrate incarné par des gens comme Beneš ou Masaryk, et puis les communistes qui espéraient bien rapidement prendre le pouvoir. Marc Bergère, sur ces questions et en particulier sur les distinctions, parce qu'on voit bien les convergences. On voit bien que tout cela va être utile. On va comprendre des mouvements qui, si on était resté dans le cadre national des épurations d'après Seconde Guerre mondiale, auraient été plus ou moins incompréhensibles. Mais néanmoins, il y a de profondes différences. Vous avez insisté sur ce point au tout départ. Et donc, il va y avoir à la fois un travail de convergence et puis aussi un travail de singularité de chacun de ces cas ou de chacun de ces groupes de pays, comme les pays que vient de décrire Emmanuel Droit, par exemple. C'est vrai que nous n'évacuons surtout pas les singularités, mais nous avons effectivement pris le pari inverse. C'est-à-dire que, de fait, on essaie plutôt de postuler, les ressemblances. Pas forcément les ressemblances. C'est encore différent. Les transferts. Ouais. C'est-à-dire que, justement, on s'intéresse donc à... Et on essaie de savoir, de s'interroger sur le fait, mais y a-t-il eu des échanges? Emmanuel Droit en parlait justement par rapport à ces gens qui peuvent circuler. Et donc, de fait, il y a déjà des... Et là, ça peut faire avancer la connaissance. Exemples concrets, par exemple. Quelques exemples concrets. On sait, grâce aux travaux de Valeria Galimi, par exemple, qui a rejoint notre équipe d'ailleurs, qui travaillait à l'origine plutôt, qui est spécialiste de l'épuration en Italie, on sait que très clairement, et là, de manière revendiquée, elle va d'ailleurs nous présenter un certain nombre de personnages qu'elle présente à juste titre, le mot est beau, comme des passeurs, justement, hein, des gens qui ont contribué à faire passer, donc à transférer justement un modèle épuratoire vers un autre pays, et bien donc l'Italie, c'est au niveau du modèle judiciaire justement, y compris jusqu'à la composition des cours, s'est inspiré du modèle français. On sait aussi, puisqu'on est ici finalement dans un espace donc de radio et culturel par exemple, que à Stockholm, c'est en 1946 je crois, on a une réunion donc des pen clubs qui finalement donc réunit les différents comités nationaux des écrivains, dont le comité national des écrivains français, et ils s'entendent, là c'est quand même tout à fait intéressant, ils s'entendent sur une pratique commune qui est la pratique des listes noires. Viendra au colloque une chercheuse que doit bien connaître Jonas Campion, qui s'appelle Céline Raz, qui est une chercheuse belge, qui nous parlera, et c'est tout à fait le mot est beau, donc c'est pour ça que je préfère donc rendre à Céline Raz qui lui appartient. Elle parle d'épuration contagieuse pour montrer comment les radios françaises et belges, parce que arrêter les ondes, c'est pas forcément simple, s'entendent justement pour établir aussi des listes noires communes de gens interdits de diffusion. Donc on voit bien que là, ça peut apporter donc une plus-value. Donc on n'évacue pas la singularité, mais nous on essaie de postuler ce qui a été moins fait jusqu'à maintenant. Voilà. Anaïs. Et ces fameuses listes noires, on entend bien qu'elles existent dans le champ intellectuel, sous la forme de collèges, dans le champ médiatique. Est-ce qu'on en retrouve ailleurs? Vous parliez d'épuration économique tout à l'heure, en disant qu'elle avait été relativement légère dans certains pays. Est-ce qu'on a des listes noires de cette sorte-là, qui touchent des entrepreneurs ou des propriétaires de grandes entreprises qui auraient collaboré? ça fonctionne pas, c'est pas le même phénomène d'ostracisme. Alors, ils peuvent être, je parlerai pas de liste noire à ce moment-là, ils peuvent éventuellement se retrouver donc privés de chantier public, par exemple. Ils peuvent se retrouver donc écartés d'un certain nombre de commandes étatiques de l'État. On se contente d'une punition dans ce cas-là. Mais bon, les punitions vont souvent bien au-delà. Elles empruntent, alors pas toujours le canal judiciaire, parce que la justice est très très mal à l'aise pour juger la collaboration économique, qu'il faut reconnaître était très difficile à établir, d'un point de vue donc pénal. Donc c'est vrai que le plus souvent, du moins est-ce le modèle qui a été par exemple suivi en France, on a donc plutôt frappé au portefeuille, hein, notamment à travers par exemple les comités de confiscation des profits illicites. Jonas Compion. Oui. Je croyais que vous vouliez intervenir. Tout excusez-moi. À fait. Ouais, allez-y. Deux choses. D'abord, concernant les transferts et les influences, je pense qu'il faut aussi souligner qu'il y a les transferts, il y a les influences directes, hein, où clairement on voit des filiations, des hybridations entre pays, mais il y a aussi en termes d'observation de ce qui fait à l'étranger, le modèle du repoussoir typiquement. Dans certains discours tenus sur l'organisation de la répression de la collaboration en Belgique, on va voir les autorités belges se présenter comme étant le pays où le droit règne dans l'épuration, où on respecte l'état de droit, contrairement à certains pays voisins. Donc on voit là, il y a des influences, des transferts. Qui visent-ils ces Belges à ce moment-là En termes de repoussoir de modèle qu'on ne veut surtout pas suivre. Donc je pense que c'est aussi un point à considérer. Quel est le modèle que veut pas suivre alors la question des listes noires ou bien des sanctions possibles, là je pense qu'il faut basculer dans une autre perspective. On a parlé de la pluralité des épurations, de la pluralité des répressions de la collaboration. Mais il faut aussi évidemment parler de la pluralité des sanctions, parce qu'il peut avoir donc des peines de prison, des peines de travaux forcés, des peines pénales, hein, jusqu'à la peine de mort exécutée. Il peut avoir aussi toute une série de peines ou de mesures annexes, perte de droits civils et politiques pour le collaborateur, mais également pour sa famille, sanctions financières, sanctions patrimoniales. Donc c'est aussi une superposition de sanctions qui peut faire très mal à la vie sociale, à la citoyenneté du collaborateur poursuivi. Oui, mais il y a tout de même des gens comme Hergé, par exemple, qu'on a surnommé, je crois, la providence des inciviques en Belgique après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il avait pour particularité, a-t-on dit, en tout cas dans certaines des biographies de Hergé, d'avoir accueilli certains de ceux qui avaient été condamnés pour, crimes de collaboration en Belgique, par exemple Jonas Compion. Tout à fait, mais en fait, c'est toute la question de la définition de la collaboration. Qu'est-ce que la collaboration? Quel est le comportement qu'on ne peut pas dépasser en période d'occupation? Qu'est-ce qui est légal, mais aussi qu'est-ce qui est légitime? Et donc ça, en fait, ça nous entraîne sur la question de l'entonnoir de la répression de la collaboration. Il y a une très forte demande sociale, une définition sociale très large de la collaboration, et puis, comme l'a souligné Marc Bergère, toute la difficulté pour la justice ou bien pour les autorités compétentes d'établir des faits précisément, de se baser sur des lois préexistantes ou bien des lois qui ont été votées spécialement pour la circonstance, pour établir les faits et pouvoir sanctionner les collaborateurs. Et donc ça explique, si on regarde les chiffres, les statistiques de la répression de la collaboration, ce décalage entre, d'une part, à l'origine, la soif de justice, le nombre d'instructions qui vont être ouvertes, et puis le nombre de procès, et enfin le nombre de condamnés qui seront effectivement touchés par une peine. Anaïs Kien. Oui, Jonas Compion, vous évoquiez des modèles nationaux repoussoirs en termes d'épuration, mais vous avez omis de nous donner peut-être quelques noms, de peut-être pointer des groupes, ce groupe vertueux et ce groupe repoussoir que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà. En Belgique notamment, l'épuration telle qu'elle a pu être menée en France sera parfois dénoncée comme étant une épuration tout à fait extra-légale, parce que en dehors du droit dans les perspectives belges, parce que comme vous le savez, en France, on va choisir d'établir des tribunaux spéciaux, les cours de justice de la République, dans lesquels siégeront notamment des jurés civils issus de listes dressées par les comités de libération, par la résistance, et donc on va mettre en avant le fait qu'on est dans un droit extraordinaire face à la Belgique où c'est le code pénale normale qui s'applique où on veille à mettre en avant, hein, mais alors évidemment on est dans une logique de discours, dans une logique aussi de légitimation de l'État, où les acteurs notamment de la justice, hein, je pense à l'auditeur militaire général Walter Jansen van der Meersch, vont veiller à mettre en avant la légalité et le primat du droit comme étant une caractéristique de la répression pénale de la collaboration telle que menée en Belgique. Mais Marc Berger, il y a bien la distinction, parce que d'un côté il y a un gouvernement qui a collaboré, le gouvernement français, Vichy, et de l'autre côté il y avait un gouvernement qui était en exil, qui j'imagine ne se voit pas de la même manière et ne prépare pas pour le gouvernement belge la sortie de guerre de la même manière que le nouveau gouvernement français éjectant le régime de Vichy par exemple. Oui, sans aucun doute, il y a cette différence aussi qui peut peser. Mais néanmoins, je voulais revenir à ce que disait donc Jonas tout de suite, parce que ça me paraît effectivement important, parce que moi je l'ai constaté aussi, et ça va dans le sens du projet qui est le nôtre. On a intérêt, même quand on est spécialiste d'une épuration nationale, ce qui est mon cas pour l'épuration française, à faire... Romain Bertrand, il a une belle définition pour l'histoire transnationale, il propose de faire un pas de côté. Et effectivement, donc, avoir une histoire décentrée de sa propre épuration nationale, ça peut être très intéressant. Ce que constate effectivement... Jonas Campion sur les critiques à l'égard de l'épuration française, il faut le reconnaître. Moi, je me suis intéressé, par exemple, au procès Pétain et Laval à travers donc, la presse internationale, européenne et même nord-américaine. Et ce qu'on constate, effectivement, c'est que le regard porté sur notre propre épuration judiciaire est extrêmement sévère, eu égard, effectivement, à ce nombre de pratiques qui, moi, finalement, ne m'avaient pas trop choqué au moment où je m'étais intéressé uniquement à l'épuration française, parce que c'était les règles en vigueur, qui étaient les règles d'études, qui étaient les miennes. Et j'ai constaté combien ça heurtait toute une série de traditions judiciaires, par exemple, à la question des jurés patriotes, la question des cours d'exception, fût-elle pourtant légale, la question aussi des jugements par contumace, c'est une pratique qui est loin d'être unanime, donc, etc. Donc là, ça nous apprend aussi quelque chose, ce regard, justement, écrire une histoire internationale, c'est un peu ce à quoi je m'essaye maintenant. Écrire une histoire internationale de l'épuration française ou une histoire internationale de l'épuration belge, etc. C'est aussi effectivement donc intéressant. Et ça veut dire aussi, Emmanuel Droit, qu'il faudrait presque faire un dictionnaire plurilingue pour pouvoir travailler sur les termes, parce qu'on parlait des inciviques, je parlais des inciviques tout à l'heure pour la Belgique, des collaborateurs en France. Vanessa Voisin nous disait lundi que ce terme collaborateur, ça ne savait même pas ce que ça voulait dire en russe, on parle de traître. Et donc à partir de ce moment-là, qu'il faudrait presque faire une sorte de lexique des manières dont on a abordé les personnes qui avaient collaboré avec les Allemands et les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, il faut sur le modèle de ce que ont fait les grands historiens allemands de l'histoire des concepts, comme Reinhard Koselleck et Werner Conses, c'est faire une sorte de dictionnaire des concepts fondamentaux de l'épuration en essayant de retracer la généalogie de ces concepts, parce que ces termes de traître, de bandit, vous les retrouvez dans le vocabulaire épuratoire des pays d'Europe centrale et orientale après 1945. Je voulais rebondir aussi sur ce que Jonas Campion avait souligné en termes de repoussoir. Vous avez avec l'Allemagne et la division de l'Allemagne un beau terrain d'histoire connecté dans le sens où les deux Allemagnes sont en concurrence dans ce champ de l'épuration, puisque la RDA dira que la dénazification aurait été en partie à juste titre, beaucoup plus profonde et beaucoup plus approfondie, beaucoup plus poussée dans la zone d'occupation soviétique. Vous avez on parle toujours des grands procès de Francfort du début des années 60 en Allemagne, mais vous avez les procès de Waldheim en RDA entre avril et juin 1950, où on juge toute une série de criminels de guerre. Alors la catégorie est très vague, mais on a environ 3000 personnes qui sont condamnées à de lourdes peines de prison, au moment justement où les soviétiques arrêtent de juger ces personnes considérées comme traîtres ou comme indignes de confiance, et donc on les confie à la justice est-allemande, avec parfois des phénomènes de continuité, puisque dans ces jurys vous avez des communistes, on est au début des années 1950, mais vous retrouvez aussi un certain nombre de personnes qui ont servi dans les tribunaux du peuple à l'époque nazi. Il y a aussi des phénomènes de continuité, de réintégration d'anciens fonctionnaires du NSDAP au niveau du parti communiste et au niveau des administrations au début des années 50. Ce qui fait que ce moment 1945, il faut, je le répète, l'étirer dans le temps, aussi bien en amont, qu'en aval, pour bien comprendre toute la densité finalement de ce moment, tout en étant bien sûr conscient des limites de l'histoire transnationale. Hein. C'est presque un pari pascalien, c'est quelque chose qu'il faut arriver évidemment, c'est ce pas de côté qui permet de voir des choses qu'on ne pouvait pas voir avant, mais en même temps on est tous conscients qu'il ne faut pas non plus survaloriser la dimension transnationale et que les logiques nationales sont évidemment, même dans le cas de l'Europe centrale orientale où on pourrait presque parler de logique impériale, même dans ce cas-là les logiques nationales sont très importantes. Anaïs Klein. Et d'ailleurs, Marc Bergère, de manière très concrète, à quel point les États collaborent entre eux, coopèrent entre eux plutôt, collaborer n'est peut-être pas le mot le mieux choisi pour cette émission, coopèrent entre eux dans cette recherche de justice, d'épuration au lendemain de la guerre. Parce que, évidemment, les preuves sont un peu disséminées. Il y a des cas de fuite, d'exil, de déplacement de population. Donc on recherche des criminels. À la fois, on repère des déplacements de population qui nous permettent de repérer aussi les politiques nazies de déplacement et donc d'élaborer un système de preuves pour les condamner. Mais à quel point coopèrent tous ces États ensemble ? Bah écoutez, c'est justement ce sur quoi on travaille. C'est en cours. C'est un vrai front pionnier, c'est ce qu'on essaie d'établir. De fait, il y a les échanges d'informations, ça paraît clair. Il y a un certain nombre de personnes, et justement on essaie de les identifier, qui sont d'authentiques passeurs, hein, des magistrats par exemple, souvent, notamment, qui... Ils n'aident pas à passer les collaborateurs mais qui peuvent donc, qu'on pourrait considérer comme des acteurs qui effectivement contribuent donc à éclairer un pays sur les pratiques d'un autre, par exemple, ou à donner des... C'est le cas entre la France et l'Italie, ça. Donc il y a effectivement les échanges d'informations qui très vite deviennent quand même, pour des raisons que vient d'expliquer Emmanuel, deviennent plus difficiles et limitées, on peut le penser, entre l'Est et l'Ouest notamment, hein, y compris entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne par exemple, mais à l'échelle de l'Ouest effectivement ça fonctionne. Alors, je vous dis, il y a des ententes qui s'établissent, je vous disais tout à l'heure les radios par exemple, c'est pour ça que... Entre les polices peut-être aussi. Et entre les polices aussi, il y a toute la mise en place de services comme Interpol, etc. aussi qui peuvent fonctionner. Oui, mais donc, en parallèle, il y a aussi la Ratline, il y a aussi des coopérations pour faire partie les anciens collaborateurs. Et donc, que ça soit par les Américains, par le Vatican, par des pays par la Croix-Rouge, qui veulent récupérer certains des anciens responsables nazis pour pouvoir les faire travailler avec eux, etc., dans le cadre d'une guerre froide qui est en train de s'installer. Donc, c'est à la fois ambigu et compliqué. Ça fonctionne dans les deux sens. Ouais. Coopération plurielle, peut-être. Non, mais c'est vrai que ça fonctionne dans les deux sens. Ce ne sont pas les mêmes réseaux, bien évidemment, hein, mais ce type de réseau et de canaux, alors ils existent, hein, ils sont, il y a toute la question, moi je l'ai bien vu dans les archives diplomatiques par exemple, hein, mais là il faut vraiment creuser, c'est pour ça qu'il faut vraiment, alors pour le coup c'est un vrai chantier. Moi je l'ai fait à l'échelle justement de la fameuse affaire des réfugiés politiques français au Canada, telle que je l'ai étudiée dans mon HDR justement. Là on voit bien que les services diplomatiques s'intéressent à la chose, qu'il y a des demandes d'extradition. Elle est fameuse pour vous pouvez la rappeler en deux minutes. De fait c'est donc une affaire d'État déclenchée au Canada par la découverte de la présence de miliciens français réfugiés dans le pays. Et donc là, on voit bien que les services diplomatiques des pays respectifs s'emparent de la chose, échangent entre eux, etc. Donc, il y a effectivement une coopération, mais Se passera-t-il ? Racontez-nous la fin de l'histoire. Racontez-nous la fin de l'histoire, que se passera-t-il ? Ils vont rester, sauf l'un d'entre eux qui sera expulsé en 1951 et qui se réfugiera au Brésil, où il sera assassiné en 1972. C'était le plus célèbre d'entre eux, un certain Jacques Dugier de Bernonville. Voilà. Mais donc, tous les autres resteront au Canada. N'est pas l'efficacité de la coopération internationale dans le domaine de la poursuite de ses collaborateurs n'est pas tout à fait avérée dans ce cas précis. C'est vrai. Si on revient au cas belge, Jonas Campion, vous nous disiez tout à l'heure, il faut étudier en amont, on l'a bien compris, donc en particulier les quatre collaborateurs pendant la Première Guerre mondiale, mais il faut aussi étudier en aval. Est-ce qu'on peut dire justement en quoi cette épuration a été plus longue que ce qu'on imagine généralement, puisqu'il y a des demandes de réhabilitation dans ses droits dans les années 60, puisqu'il y a des nouveaux jugements ou des nouvelles façons de regarder des cas d'épuration administrative. En quoi cette épuration a-t-elle été plus longue que ce qu'on imagine habituellement ? Alors, au niveau pénal, on peut globalement poser la fin de l'épuration. En général, on distingue, on parle de l'année 1952 comme étant la fin de la répression pénale de la collaboration. Mais en fait, c'est la fin de la phase de jugement. Après, comme vous venez de le signaler, il y a toute une dynamique, mais qui va se construire de manière plutôt individuelle, de volonté de recouvrir les droits qu'on a perdus. Je parlais tout à l'heure de la question notamment des pertes de droits civils et politiques, de pertes de nationalité, de pertes de revenus, de mesures qui touchaient la carrière. Et donc, ça va être un combat des collaborateurs qui avaient été sanctionnés, qui avaient été punis, pour en fait réintégrer une place dans la société. Ils avaient été mis aux marges de la société pour essayer de réintégrer cette question. Et donc, ça peut nous amener très, très, très, très loin, cette question. Il y a une autre date sans doute symbolique à retenir, c'est 1961, avec un arrêt, un collaborateur intellectuel, un journaliste, a porté devant la Cour européenne de justice son cas relatif à sa perte de droit. Ça a été très bien mis en valeur par un collègue gantois de l'université de Gand, Koen Hart. Et il montre que c'est par cette plainte de cet intellectuel devant une instance judiciaire internationale, européenne, on est dans la construction européenne, suite au jugement rendu en 1961 par cette institution, ça va obliger le gouvernement belge à légiférer sur la question et à marquer la fin de l'épuration, à permettre aux gens de récupérer, aux dernières personnes de récupérer les droits D'accord. qu'ils avaient perdus. Donc on a ce temps long en termes juridiques, en termes de recherche de droits. Et enfin, pour la Belgique, il y a aussi la question qui n'est pas encore résolue aujourd'hui. La Belgique est un pays où il n'y a pas eu d'amnistie suite à la Seconde Guerre mondiale. Mm-hmm. Et donc, c'est un débat qui est encore récurrent dans le monde politique belge, la question de l'amnistie. Donc, encore aujourd'hui, c'est un problème qui revient parfois à l'avant-scène. Anaïs. Et puis Emmanuel Droit, il y a plusieurs phases dans ces épurations. À partir des années 60, vous notez une coopération accrue entre les polices politiques d'Europe de l'Est et d'Europe centrale. Et cette fois-ci, pour traquer les responsables nazis et plus seulement les traîtres nationaux. Oui, on passe à partir de la fin des années 50, début des années 60, quand la dynamique de coopération et de collaboration entre les polices politiques du Bloc de l'Est se met en place parce qu'elles... officiellement, on date la création du Bloc de l'Est des débuts de la guerre froide en 1947, mais encore une fois, j'insiste sur la nécessité de prendre en compte le temps à la fois court et long, et même si officiellement ils sont tous frères et tous communistes, pour des Polonais ou des Tchécoslovaques, c'est pas facile de travailler avec des Allemands. Ouais. Il faut recréer de la confiance, et c'est seulement à partir des années 60 que les Polonais et les Tchécoslovaques, ils continuent à traquer les criminels de guerre allemands de moyenne ou de petite importance, et la RDA, à travers sa police politique, donc la Stasi, et en particulier un de ses départements, le département 9, aide les Polonais et les Tchécoslovaques dans la recherche de ces Allemands qui sont considérés comme des criminels de guerre. Alors parfois, ces Allemands ont habité les anciens territoires polonais et tchécoslovaques, mais ils ont été expulsés après 1945, et donc ils se trouvent parfois en RFA, et dans ce cas-là, c'est simplement des échanges d'informations, mais parfois ils vivent en RDA, et donc jusqu'à la fin des années 80, on a une coopération assez dynamique dans ce champ. Marc Berger, pour conclure. Oui, de ce point de vue-là, justement, pour inscrire le processus dans un temps long, je pense qu'effectivement, on pourrait même avancer une troisième phase, effectivement, que n'ont pas évoqué mes collègues, et qui répond aussi à l'émission d'hier par rapport à ça. On avait cru un peu naïvement, avec les amnisties, clore définitivement ce dossier. Or, on constate que dans les années 70-80, on assiste à un réveil mémoriel, et que l'on va, notamment autour d'une mémoire qui est d'un événement qui avait été jusqu'ici un peu occulté ou évacué, qui était celui de la Shoah, et y compris donc à travers Nuremberg, par exemple. Donc, ce réveil mémoriel va susciter, j'allais dire, une sorte de... Alors, Henri Rousseau a pu écrire donc l'épuration, une histoire inachevée, hein, donc une seconde épuration qui n'est plus une justice, donc qui est une justice plus mémorielle que transitionnelle, mais effectivement, on va aussi, et c'est intéressant, éveiller une nouvelle phase pour l'écriture de l'histoire de l'épuration, car de fait, on constate par exemple, hein, et moi ça m'a frappé, la multiplication des commissions d'enquête sur justement les conditions d'accueil et exfiltration des nazis ou des collaborateurs dans un grand nombre de pays. Il y a une commission en Argentine, dans les années 90. Il y a la commission Deschênes au Canada en 80, la commission Menzies en Australie. Même les États-Unis, c'est peu connu, mais mettent en place en 99 un groupe de travail, donc interagence FBI, CIA sur le sujet, et qui en 10 ans a produit plusieurs millions de pages montrant effectivement justement toutes ces conditions d'exfiltration, etc. Donc là, on a tout un matériau pour seconde histoire mémorielle, ouais. Et pour l'écriture de l'histoire aussi de cette épuration dans une logique cette fois-ci transnationale. Merci à Emmanuel Droit qui était avec nous depuis les studios de Deutschland Radio à Berlin. Il est maître de conférence à l'université de Rennes 2 et directeur adjoint de l'Institut Marc Bloch à Berlin. Il travaille sur la question de la police politique en Europe de l'Est après la Seconde Guerre mondiale. Merci à vous Jonas Campion et à nos confrères de la RTBF de vous avoir accueilli dans leur studio de Namur. Vous êtes chercheur à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique et auteur de Gendarmes belges et néerlandais à la sortie de la Seconde Guerre mondiale chez André Versailles en 2011. Et merci à vous, Marc Berger, d'être venu dans nos studios. Vous êtes donc maître de conférence à l'Université de Rennes et coordonnateur de ce projet qui s'intitule Pour une histoire connectée transnationale des épurations au sortir de la Seconde Guerre mondiale en Europe, et qui tiendra donc deux jours de colloque, les 11 et 12 juin. Donc on peut inviter tous ceux qui sont dans la région de Rennes et même ailleurs d'ailleurs à venir vous rencontrer à ce moment-là. Tout à fait. C'est donc à Rennes, c'est ça ? C'est à Rennes, donc les 11 et 12 juin donc, 2015. Et effectivement, le colloque est ouvert à toute personne intéressée. Merci en tout cas d'être venu et de nous avoir suggéré qu'il y avait bien une histoire transnationale et connectée de l'épuration en Europe à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marseille. Élise Leu était avec nous à la technique et Françoise Camard à la réalisation. Demain, eh bien, nous changerons de sujet. Nous vous parlerons entre autres d'une question, à savoir ce qui se passe dans l'ancienne Mésopotamie aujourd'hui, ce qu'on peut savoir de ces destructions d'œuvres d'art, en particulier sur certains sites en Irak. Et puis on parlera aussi d'une expérience un peu originale, Anaïs Kien, qui s'appelle donc jeu d'histoire. Une sorte de joute d'érudition historique qui sont organisées au Centre Pompidou. Et la prochaine séance consacrée à la chronologie aura lieu le 16 mars, il me semble. Et nous aurons avec nous pour en parler Philippe Artier et Anne-Emmanuel de Martigny.